Chapitre 56e. Cependant, Adèle a perdu connaissance. Les deux mouchards qui l'ont placée entre eux la secouent vivement, et à plusieurs reprises dans l'espoir de la ranimer, le cocher, qui prête l'oreille, saisit des paroles qui dénotent leur embarras. Joue-t-elle la comédie ou ne la joue-t-elle pas? Voyons, ne fais pas la bête. Soutiens ta viande. Il paraît tout de même que c'est pas pour la frime. Pince-la un peu. Ah ben oui, j'ai beau pincer, il n'y a plus personne. Quoi, elle aurait tourné de l'œil? Pas possible. Parole d'honneur, elle est crevée. Rien. Oh, pour le coup, la farce est unique. Comment? Elle nous aurait joué un tour pareil? Il n'y a pas de quoi rire. Nous voilà dans le beau drap avec cette charogne. Bon, tu vois de l'embarras où il n'y en a pas. On la dépose à la mort, pas plus gêné que ça. Il appelle. Cocher! Non, non, il n'y a qu'à la conduire au poste le plus près. C'est juste. Nous dirons que nous l'avons recueillie dans la rue, par humanité. Après cela, elles s'en arrangeront comme ils pourront, ça ne nous regardera plus. Je sais bien, mais qui payera la course? Ah, diable, je n'y avais pas réfléchi. D'abord, ce n'est pas moi. Ni moi non plus. Eh, mon ami, c'est elle. J'aperçus une pièce de 40 sols. Tu ne te trompes pas? Non, puisque je la tiens. C'est bon. Levons le store. Cocher, au corps de garde. On arrive. Après avoir échangé quelques mots avec l'officier, les mouchards prennent congé de lui en le laissant dans l'enchantement de leur procédé généreux. Adèle, que l'on a tirée de la voiture, est couchée sur un brancard auprès du poêle. Un sergent. Capitaine, que ferons-nous de cette femme? L'officier. Il n'y a qu'à avertir le commissaire, car il n'y a pas d'apparence qu'elle en revienne. Un soldat. Elle est peut-être en léthargie. Un second soldat. Il est bon, là, monsieur Delorme, avec sa léthargie. Tu ne vois pas l'atout qu'elle a à la tête? Le capitaine. Elle est blessée. Nous aurions dû nous assurer de ces hommes. Actuellement que j'y songe, ils avaient des airs pendables. Premier soldat. « Matin, quelle entaille! Sergent, regardez donc, voilà le sang qui commence à couler. » Le sergent. « Il est ma foi bien rouge. » L'officier. « C'est qu'alors elle est vivante. La chaleur aura rétabli la circulation. »« Qu'est-ce qui fume ici? Caporal, soufflez-lui un peu de tabac dans le nez. » Le caporal, qui s'approche du brancard et lance une bouffée. « Je dis qu'elle est fameuse. » Le capitaine. « c'est bien, allez toujours. » Le retour à la vie s'annonce par de légères contractions du visage, et par un mouvement convulsif des membres. Adèle se débat, tousse, et d'un sursaut, elle est sur son séant. Le capitaine. Bah, au sergent. Il m'a semblé voir un spectre. Le sergent. Elle a l'air d'une déterrée. Un conscrit. Si je n'étais pas ici, je m'en donnerais peur. Je croirais que c'est un revenant. Adèle regarde autour d'elle, et après quelques instants de cet accent profondément expressif d'une âme pleine encore des douceurs du néant. J'étais si bien, dit-elle. Son horizon s'agrandit. Les ténèbres se dissipent. Où suis-je? Avec émotion. La garde, la prison, Dieu, la prison! L'officier. Rassurez-vous, la brave femme, vous êtes avec de bons enfants. Adèle. Ah, oh, Seigneur, Sainte Vierge, qu'ai-je fait au monde? Le sergent. Tant que vous serez avec nous, il n'y a pas de danger que personne ne vous manque. Ne sommes-nous pas de l'implacable 18e? Il lui présente une gourde. Buvez, ça vous fera du bien. C'est de la bonne, au moins, à 6 sous le poisson. Adèle. « Monsieur le sergent, je vous remercie. Dispensez-moi. » Le sergent. « Vous boirez ou vous direz pourquoi. »« Prenez, prenez, ça vous donnera du ton. » Les instances du sergent deviennent de plus en plus pressantes. Adèle n'ose plus refuser. Bientôt, elle recouvre assez de force pour pouvoir répondre aux questions que lui adresse l'officier. Elle ne récrimine pas, elle raconte. Et dans sa bouche, la vérité est si éloquente que de vieilles moustaches, outrées d'abord de la cruauté des mouchards, se surprennent à la fin l'œil humide de larmes. Le capitaine. Eh bien, sergent, qu'avez-vous donc? Je vous croyais un dur à cuire. Le sergent. Moi, la justice me révolte. Et puis, tenez, capitaine, voulez-vous que je vous dise? On n'est pas le maître de ça. Le caporal. Je ne suis pourtant pas monsieur sensible, mais c'est plus fort que moi. Je ne puis pas voir pleurer une femme. Ça me fait tant de peine que pour un rien, je lui ficherai tout mon prêt. Tirant de sa culotte un vieux gant qui lui sert de bourse. J'ai 22 sous et demi. Je m'en fiche, je les lui donne. Qu'est-ce qui en fait autant? Avec le pain d'ammonition d'aujourd'hui. Allons, qui allonge les pièces? On reçoit tout, les petites et les grosses pièces, depuis un liard jusqu'à 6 francs. Le sergent. J'en voulais faire 40, mais il n'y a pas mèche. 35, c'est le fond du sac. On m'écorcherait. 1 centime de plus, on ne l'aurait pas. Un soldat. Là, mes 25 centimes et ma ration. Camarades, cherchez aux boursicots les ceux qui en ont. Il y en a par là qui sont sur le lit de camp. Il en tire un par les pieds. C'est le lorrain, je l'aurais parié. Tous. On a bien raison de dire, lorrain vilain, traître à Dieu et à son prochain. Le lorrain, je dors. Le soldat, 5 sous. Le Rhin, veux-tu me laisser ? Le soldat, à boule, tu dormiras après. Le Rhin, puisque je n'en ai pas. Le sergent, on ne peut pas peigner un diable qui n'a pas de cheveux. Le capitaine, tirant 10 francs de sa bourse, laissez-le, je mets pour lui et pour les factionnaires. Adèle, capitaine, vous êtes trop bon. Le capitaine, votre état exige des soins. Si vous le désirez, je vais vous faire transporter à l'hôtel Dieu. Le caporal, il y a un hospice plus près, la pitié, c'est à 2 pas. Le sergent, on n'y entre pas de nuit, pas plus là qu'ailleurs. Le capitaine, cependant les accidents peuvent arriver de nuit comme de jour, et pour qu'un hôpital remplisse sa destination, on doit y être admis à toute heure. Le sergent, je vous demande pardon, capitaine, mais vous êtes dans l'erreur. Le capitaine, s'il en est ainsi, il faudrait les reconduire chez elle. Ah, Adèle, vous avez un chez vous ? Adèle, j'en avais un. Aujourd'hui, je demeure avec des amis qui, dans ce moment, sont peut-être bien en peine de moi. Le capitaine, vous sentez-vous capable de marcher ? Adèle, debout et chancelante, oh oui, je ne suis plus si faible. Le capitaine, eh bien, on va vous accompagner. Numéro 7 et 8, quittez votre giberne, prenez le falot et allez avec madame. Menez-la lentement. Arrêtez-vous autant de fois qu'il sera nécessaire et veillez surtout à ce qu'elle ne perde pas son argent. Sergent, comptez ce qu'elle a. Le sergent, regardez la brave femme. Vous vous souviendrez bien, 10 francs que le capitaine vous donne. 10, 11, 12, 14, 17, 7 francs 50, 11 sous qu'on a trouvés sur vous. En tout, 24 francs 55 centimes. Faites attention, je les mets dans le coin de votre tablier. 24 francs 11 sous, ils sont noués là-dedans. Qu'on dise à présent que les soldats sont pires que la troupe et qu'il n'y a pas de bon parmi les implacables. Adèle se confond en témoignage de reconnaissance. C'est bien, vous remercierai une autre fois, lui dit le capitaine. Allez dormir, vous devez avoir besoin de repos. Je crois bien, s'écrie le numéro 7. Après une poussée comme celle qu'elle a eue, hardi, ma petite mère, appuyez-vous sur nous. Ne craignez pas, je suis solide et le camarade aussi. Oui, oui, appuyez-vous. Il était près de 2 heures du matin quand Adèle fut ramenée au logis. On frappe. Frédéric vient ouvrir. En pénétrant dans le réduit qu'Adèle leur indique comme son domicile, les deux soldats sont effrayés. Pas le plus petit meuble, les 4 murs, quelques pailles brisées, et sur cette litière, 2 femmes gisantes, sans drap, sans couverture, sans le moindre lambeau qui les abrite. « Où allons-nous poser ça ?» demande l'un des soldats. « Donnez, donnez !» répond Frédéric, en leur arrachant des mains un pain dans lequel il meurt aussitôt. « Matin, il a une soif épaisse, le camarade. Allons, mesdames, levez-vous, nous vous apportons des vivres. Dis donc, parisien, partage-leur donc cette ration. As-tu un couteau ?» Le parisien. « Est-ce que nous avons ça, nous autres ?» Après avoir rompu le pain, il s'approche de l'une des femmes et la prenant par le bras. « Eh bien, êtes-vous morte ?» Elle se tourne de son côté. « C'est toi, ah mon doux Jésus !» Puis apercevant le morceau, elle s'en saisit et le dévore. Suzanne, qu'Adèle a appelée, se soulève sans lui répondre. Et après avoir considéré la lumière avec un sourire à faire frissonner, elle étend les bras. « Ils sont beaux, les anges, vois-tu ma sœur ? Ils ne m'ont pas trompé. C'est Adèle, elle est avec eux. J'en vais manger une aile. Je savais bien qu'ils me prieraient de la noce. Elle est tout en blanc, elle a le chapeau. Non, monsieur, je ne danse pas après le festin. Loi, loi, oui, oui, de loi. Ah, certainement, je l'aime beaucoup. Faites-moi passer de ces pigeons. » Un soldat, elle bat la breloque. On voit qu'elle a le soleil dans l'estomac. Adèle, prends donc, cher ami, c'est du pain. Suzanne, du pain. Fille donc, est-ce qu'on mange du pain ? Ces cervelles, elles sont excellentes. Le dessert, il est magnifique. Des 4 mendiants, j'en mettrai dans mon sac. Adèle, elle a le transport. Suzanne, des huîtres, j'en mangerai 20 douzaines. Dépêchez-vous, l'ouvreuse, plus vite que ça. Adèle, excusez-la, c'est le délire. Le parisien, pas de doute, c'est son petit bonhomme d'esprit qui a déménagé. Adèle, mais Suzanne, écoute donc, c'est moi, tu ne me reconnais pas, je suis Adèle. Suzanne, il est gentil, ton mari. Adèle, cesse d'extravaguer, voilà du pain, tiens. Suzanne, c'est pour moi, n'est-ce pas? Adèle, oui, c'est pour toi. Suzanne, elle prend le pain, l'examine, le goûte. Du pâté, c'est de chez le sage. La croûte en est délicieuse. Elle mange avec voracité. Un des soldats, à son camarade, que je voudrais être riche. Le parisien, et moi? Quand ça ne serait que pour faire du bien à des gens comme ça. Ça me brise le cœur. Tiens, bien temps. Avez-vous par là une lampe ou de la chandelle que je vous l'allume? Frédéric, de la chandelle quand il n'y a pas de pain dans une maison. Le parisien, si nous leur laissions notre bout. L'autre soldat, tu as raison, le caporal ne dira rien. Le parisien, eh bien, va pour le bout. Adieu, les amis, tâchez d'être plus heureux. Adèle, je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Le parisien, adieu, adieu, au revoir. L'autre soldat, sauvons-nous, misère et compagnie. Le Parisien. Chut, chut, qu'on nous sort dehors. Pour Adèle et pour ses compagnes, c'était une belle journée, que celle qui allait commencer avec la prochaine aurore. Le soleil se levait sur 24 francs 55 centimes qui leur appartenaient. Que de bénédictions elles donnèrent aux braves de l'implacable 18e. Adèle était moulue, brisée des catastrophes de la veille, et pourtant elle était si contente d'avoir amené l'abondance au logis qu'à peine fut-il jour, elle se mit à chanter. Quant à Suzanne, son cerveau n'était plus livré à de trompeuses hallucinations. Le sommeil lui avait rendu la raison et le fantôme d'un banquet splendide n'irritait plus son appétit, satisfait par une réalité moins séduisante, mais plus solide. « Je n'en reviens pas, » disait-elle. « Comment, ce sont les militaires qui ont donné tout ça ?»« Pour un rien, j'irai lui baiser au derrière, à ce capitaine. » Adèle, et le sergent, et le caporal, enfin tous, ils se sont comportés comme des dieux. Frédéric, aussi ils peuvent bien compter que partout où je rencontrerai leur régiment, il faudrait que je n'aie pas le soupe-vaillant pour ne pas leur payer à boire. N'est-ce pas, Henriette, qu'ils méritent bien qu'on leur fasse une honnêteté ? Henriette, oh oui, mon petit homme, nous leur devons une belle chandelle. Sans eux, ça faisait aujourd'hui la finition. »